Mamastrous. Un genou au sol, je dis amen. Comme pour tous les miens, je dis amen. SBI criminel. J'suis le Madini, not Mascarenia. Protège ma main, c'est immédiat. Ma vie, c'est ma famille. Dis pas me connaître grâce à Wikipédia. Black Medi, c'est lion de la savane et mangeur de bananes. Enfant, genou écorché, marche sur les goudrons de Paname. J'ai installé ma tête pour perpète. Champagne nourrit l'athlète comme le rap en beau basket. Voilà des infos, t'es une enquête. Sous le calme, c'est la tempête. J'suis un gars par mes ancêtres. Brise mon gêne, j'arrête dans les veines. J'ai commencé la prière pour estomper ma haine. J'ai toujours cru que je finirais par mourir sur la scène. Amené par mes anges là-haut, tellement de gens que j'aime. Mes démons me répètent chaque jour qu'on finit par tout perdre. Je regarde chacun de mes proches, calcule la souffrance qui me reste. En tête avec ma quête et ta quête, couvert par les têtes. Fais la fête car une vie s'arrête et c'est net. Jamais je ne freine, même ça m'a mis en danger. Pardonnez-moi tous mes péchés. Mon plus beau bling bling sur le torse reste de mon chapelet. Pour décupler ma force et ma foi, le bon sens de mes choix éclaire ma voix quand la porte du succès claque sur mes doigts. Une cartouche d'encre remplie de larmes de rage. Comme un blé d'armes, méfie-toi du cyclone que cache l'orage. On lit la sagesse mariée à la folie sur mon visage. Pousser encore plus loin la méditation, ce que j'envisage. Mes cicatrices, au final je les aime. Les plus durs de mes combats, je les livre contre moi-même. Je fais mon autoportrait psychologique. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. L'exutoire est le même. J'écris, j'écris, j'écris, je crache ma vie. Je prie, je prie, je prie pour plus qu'on le m'arrache l'envie. Je disais y'a peu de temps que c'est fini. Mon instinct me contredit qu'à me détruire, reconstruire. J'ai reçu le CV de mon âme. État d'esprit, la vision, le CV de mon arme. Psychologiquement c'est souvent celle qu'on se condamne. État d'esprit fera ou pas éviter le drame. Un genou au sol, je dis amen. Pour être solide et être libre. Comme pour tous les miens, je dis amen. On cherche à être encore meilleur, voilà l'état d'esprit SB. Maman m'a dit mon fils, adoucis un peu ta musique. Papa m'a dit je te vois de là-haut, tu brilles tel un rubis. Mes gars m'ont dit ne t'en fais pas, pour toi on sort le fusil. SB m'a dit marquons l'histoire, ne tapons pas à l'usine. Maman m'a dit, papa m'a dit, mes gars m'ont dit, SB m'a dit, ok, vert de Belles sous une visière noire. Menottes de poignet pour 2-3 Audemars. J'ai toujours estimé ce que je valais, même quand je voyais ma mère dans des hôtels passer le balai. Oh, je vis selon mes propres règles. Sur la peau mes plus beaux cauchemars, mes pires rêves. Qui va vraiment me regretter si je pars? Mon fils est né, je le porte au dos comme un Hispan. Je fais gaffe à ce que je raconte, je suis un père moi. Mon ambition éclate au plafond, je suis des terres moi. Les yeux éclatés sous une paire de verre noir. Je suis né un mois d'hiver, mon sang est glacial. Je compte faire hyper mal, hein. Je suis pas un MC fashion, j'emmerde les tendances. Je prépare mes plans de guerre à l'heure où les gens dansent. Je reviens avec la détermination d'une vengeance. Je crois que l'appétit vient plus en crevant la dalle qu'en mangeant. Genoux à terre, paume vers le ciel, mais après la prière, j'éclate une malbague avec le cierge. Ma foi me toise, je crois que c'est un rappel, mais je reviens déterrer mes démons cachés seul avec ma pelle. Le cœur plein de haine, la tête pleine de regrets, les poches pleines d'espoir, l'avenir qui reste secret. Je vois plus le roro comme une fin en soi. Tu diras quoi quand t'iras repointer au pôle emploi? Devant la glace, je me demande qui je suis. J'ai beau parler au très haut, j'ai les mêmes zombies qui me suivent. J'ai dû stopper le bise-bise. Qui veut briller doit savoir qu'il faudra plus qu'un bling-bling. Entre litiges, sursis, peine de placard. J'ai surfé sur des vagues de vacarme, mais traquenard. Non, ma belle ne dis pas que tu m'aimes, j'ai le cœur Bagdad. La romance de la nuit dernière c'était la faute à Jagda. Aucune barre ne pèse plus lourd qu'un marmot sur les bras. L'illicite m'a fait sourire, la tôle m'a rendu froid. Face à face, la rétine de la mort ne mérite pas. Destiné à briller, ne dis jamais que je ne mérite pas. Je vis de ma passion, en effet, j'ai changé. Je suis plus le même et j'aurai toujours ce respect, même quand j'aurai plus de name. GNG, premier album, Dealerman, on garde l'état d'esprit. SP, Killer Cam. Reçu le CV de mon âme. État d'esprit, la vision, le CV de mon arme. Psychologiquement, c'est souvent celle qu'on se condamne. État d'esprit fera ou pas éviter le drame. Un genou au sol, je dis amen. Pour être solide et être libre. Comme pour tous les miens, je dis amen. On cherche à être encore meilleur, voilà l'état d'esprit. devenu homme en devenant père, mais redevenu môme lorsque j'apprends que c'est le mien que je perds. En contradiction nourrie par la colère, quand tu perds tes repères, tu veux tout foutre en l'air. Commentaire, on dit le noir attire la lumière. Sage contre démon dans la même école, j'ai vu mes cornes faire du hula hoop avec mon auréole. Mes faiblesses ont fait que mes principes ont dû manger le sol. Il fallait rester droit, ma dick l'a compris avant moi, cette folle. Rien ne comprend, ça manque de sexe, non. Même pas l'amour, c'est même pas sûr que je monte au ciel. Donc même pas la mort, j'arrive à vivre avec mes regrets mais pas mes remords. Le meilleur et le pire de mon vécu, je me remémore. Traversant l'Afrique et les îles, je m'accomplis. Arrivé sur scène en hélicoptère, stade rempli. Pour mon premier concert au pays, face à toute ma famille indescriptible, demande à Django, Jack, Old Kerry. Quand ça retombe, tu continues si c'est vraiment ta passion. Je retournerai pas dealer comme tous les rappeurs disent en chanson. Trouver du taf, la fierté, le côté aller au charbon. Montrer à mes mômes qu'on se relève même des pires situations. Tu veux comprendre l'esprit d'Agade et Dom? L'héritage des coups de fouet passe de la canne à sucre au bumidom. T'inquiète, c'est dur, mais la vie est belle. On dit si l'aventure est dangereuse, la routine est mortelle. J'écris, j'écris, j'écris, je crache ma vie. Je prie, je prie, je prie pour plus qu'on nous arrache l'envie. Je disais y'a peu de temps que c'est fini. Mon instinct me contredit qu'à me détruire, reconstruire. Reçu le CV de mon âme, état d'esprit, la vision, le CV de mon arme. Psychologie, pensée, souvent celle qu'on se condamne. État d'esprit fera ou pas éviter le drame. Un genou au sol, je dis amen. Pour être souligné, être libre, comme pour tous les miens, je dis amen. On cherchait à être encore meilleur, voilà l'état d'esprit. L'association de deux renois, barbe, crâne rasé, tatoué, ice criminel. Bam, kill it, kill it, kill.